Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, du choix musical et de la recherche avec la complicité de certains auditeurs, dont trois qui sont des fidèles auditeurs depuis le début, le tout début. Ils commentent l'émission, ils ont écouté toutes les émissions et je parle ici de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui, nous aurons Bird Pen d'Angleterre, Ticket to the Moon de Suisse, Dark Suns d'Allemagne, Trion des Pays-Bas, JPL de France, Levin Miniman Rudus des États-Unis, Mystery de Montréal, Frost d'Angleterre, Porcupine Tree d'Angleterre, Léviathan d'Italie et Cyril d'Allemagne. Alors, on débute ça avec Bird Pen. Bird Pen, qui est un groupe qui a quatre albums à son actif. Et ce sont deux musiciens qui sont issus de la formation Archive. On parle du chanteur et du guitariste. Et nous allons entendre une pièce qui est tirée de leur plus récent album, In the Company of Imaginary Friends. Ça va être suivi par Ticket to the Moon, qui est une formation de Suisse qui est dans l'expérimental post-metal. Et ils ont deux albums, deux CD de disponibles depuis 2012 et on va entendre le plus récent, deux extraits du plus récent qui s'intitule A Sense of Life. Et on va conclure le bloc avec Dark Suns, une formation allemande qui ont cinq albums à leur actif depuis 2003. On va entendre le plus récent, une nouveauté de l'album Everchild. Alors on débute ça avec Bird Pen. Garden, the remains of last night, bricks and mortar walls, concrete waterfalls come raining down. In the city, all the lights out and the burning air. Run for safety through a rabbit hole that used to be home. There's no place like Drone. No place like Drone. In the bright sky, there's a humming. It's invisible, and it's coming forever. All know there's no place like Drone. No place like Drone. Thank you. In the mirror, there's a pale face. What was her name? Brothers and sisters lay together with flowers. There's no place like Drone. No place like Drone. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ameisen haben sich perfekt jeder Umgebung angepasst und eroberten nahezu alle Lebensräume der Erde. Eine erstaunliche Eigenart der Ameisen sind ihre komplexen Verhaltensstrategien und Abwehrmechanismen. Ameisen trotzen Krankheiten, Seuchen und infizierten Zellen, entwickeln eigene Antibiotika und schützen ihren Korpus durch einen komplex aufgebauten Chitinpanzer. Ameisen verfügen über ein höchst ausgeprägtes Organisations- und Ordnungssystem. Regeln und Hierarchie bestimmen ihr Dasein. Kranke oder schwache Ameisen werden selektiv aus dem Staat ausgegliedert. So verhindert diese äußerst intelligente Spezies, dass sich Krankheiten innerhalb einer Kolonie ausbreiten können. Ein starker und gesunder Fortbestand ist ihnen somit garantiert. Dieses komplexe System von Ordnung und Organisation lässt sich anhand der Sklavenhalterameise äußerst präzise darstellen. Die Sklavenhalterameise besitzt Schäden, die auf das Abbeißen von Gliedmaßen von anderen Ameisen spezialisiert sind. Der Kampf wird nach einer einfachen Methode geführt. Doch der Kampf ist aussichtslos. We'll be right back. Blue and unheavenly trumpet. Alors, c'était Dark Sons d'Allemagne avec la pièce The Only Young Ones Left. Et c'est tiré de l'album Everchild qui est paru, ça vient tout juste d'apparaître en fait. Et précédé de Ticket to the Moon avec deux pièces extraites de l'album A Sense of Life. On a entendu Patient 630 100. Conformism et Resurrection. Ça, c'est paru en 2015. Ticket to the Moon sont d'origine suisse. Et en début de bloc, nous avions Bird Pen avec No Place Like Drone et ses extraits de l'album In the Company of Imaginary Friends. Après la pause, Trion, JPL et Levin Miniman Rudess. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, on débute le deuxième bloc avec une formation des Pays-Bas, Trion. Trion, c'est un groupe qui ont déjà trois albums à leur actif depuis en fait 2003. Par contre, la pièce qu'on va entendre, c'est pas extrait de leur discographie habituelle. En fait, on a un extrait d'un album hommage à Ennio Morricone d'Italie. L'album s'intitule The Spaghetti Epic. C'est un album qui a été commandé par la revue Colossus et où on a regroupé six groupes, principalement italiens et finlandais ou des Pays-Bas. Et on leur a demandé de faire une pièce au-dessus de 20 minutes avec des instruments vintage. Alors, pas de drum électronique, quoi que ce soit. C'est des instruments vintage que les groupes de rock progressif utilisaient dans les années 70. Alors, Trion, on va entendre un extrait qui s'appelle Morton. Ça va être suivi de JPL. JPL, qui est Jean-Pierre Louveton, qui se trouve être le guitariste de la formation Nemo. Alors, il a des projets solo. Il a quand même six albums solo, dont un tout récent qui s'appelle Retrospections Volume 2. On va entendre une pièce tirée de ça. Et en conclusion de bloc, nous aurons Levin Miniman Rudess. C'est un trio fort connu du monde du rock progressif. Levin étant le bassiste de King Crimson. On a Jordan Rudess qui est le claviériste de Dream Theater et Marco Miniman, qui est de la formation des Aristocrates. Alors, c'est assez jazzé, mais très, très dense et d'une structure complexe assez impressionnante. Alors, on débute ça avec Morton. Thank you. My head awaits me.

Alors, venez d'entendre Levin Miniman Rudess et la pièce The Verdict, et c'est extrait de leur plus récent album From the Law Offices. Et ça a été précédé de JPL, Jean-Pierre Louveton, le guitariste de Nemo, avec la pièce Saint-Pétrole, et c'est extrait de Rétrospection, volume 2. C'est une nouveauté aussi. Et en début de bloc, nous avions Trion avec la pièce Morton, en fait, un extrait de la pièce Morton, tiré de Spaghetti Epic. Après la pause, Mystery, Frost et Porcupine Tree. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, re-bienvenue pour cette troisième partie de l'émission où on va débuter avec Mystery, cette formation montréalaise. Mystery a 6 albums studio. Mais ce qu'on va entendre, c'est un extrait d'un album live qui a été enregistré en 2014. L'album s'intitule « Tales from the Netherlands ». C'est un extrait d'une dizaine de minutes qu'on va entendre. Ça va être suivi de la formation britannique Frost. Frost, qui est un regroupement de musiciens qui origine de d'autres formations. Il y a eu 2 versions du groupe. La première, ça a été parti ça par John Mitchell, guitariste de Arena, et Craig Blundell de Pendragon. Et la version récente du groupe est surtout autour de John Jowitt, c'est-à-dire de IQ et Arena, et Deck Burke, qui a joué aussi pour Darwin's Radio. Alors, on va entendre 2 pièces du plus récent album Falling Satellites, et on va conclure avec quelque chose qui est un petit peu moins récent, mais qui se prête bien à la continuation de Frost, c'est Porcupine Tree. Et on va entendre une pièce de l'album In Absentia, qui est paru, In Absentia, c'est paru en 2002. Alors, on débute ça avec Mystery. sky. Just look me in the eye. Thank you. C'était Porcupine Tree avec la pièce Dot 3 et c'est extrait de l'album In Absentia. C'est paru ça en 2002. Ça a été précédé de Frost avec la nouveauté, le nouvel album Fallen Satellites. Et on a entendu Hypoventilate et Nice Day For It. Et en début de bloc, nous avions la formation montréalaise Mystery avec la pièce Pride et c'est extrait de l'album, le double CD qui a été enregistré live et qui s'intitule « Tales from Netherlands » et ça a été fait ça en 2014. Après la pause, le dernier bloc de l'émission avec Léviathan d'Italie et Cyril d'Allemagne. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors nous voici donc au dernier bloc de l'émission et on débute ça avec une formation italienne du nom de Léviathan. C'est pas extrait de la discographie régulière du groupe qu'on va entendre, c'est plutôt c'est issu de The Colossus of Rhodes. C'est un album concept de plusieurs CD et Léviathan, comme l'album précédent qu'on a fait jouer durant l'émission, le Spaghetti Epic, et on a Decameron aussi qui est dans le même genre. Ce sont des albums concept qui sont faits avec un regroupement d'artistes et dans ce cas-ci, ben, on va entendre un extrait avec le groupe Léviathan d'Italie. Et on va conclure le bloc avec une nouveauté du groupe allemand Cyril. L'album s'intitule Paralyzed. Alors voici Léviathan et Cyril. Thank you. sono sfuggito già ai venti contrari te. Poi trascorrere i miei giorni tra cortigiani e re. La mia nuova preda avrà lo sguardo insondabile e capelli così neri da confondermi. Intorno a lei strade invisibili su cui scivola sicura per lasciarmi dietro a sé. Le proporrò un fuoco languido e i segreti degli amanti e le parole serviranno per una vittoria in più. Per dimenticare l'odio intorno a noi. Testimone di ogni storia, un giardino per gli dèi che conosce gli uomini, la loro infedeltà. Poco più in là, un fuoco livido nel segreto di una sala. Cosa un prezzo per gli uomini, ogni cosa un prezzo per gli uomini, ogni cosa un prezzo per gli uomini, ogni cosa un prezzo per gli uomini. We'll be right back. Alors, vous avez entendu Cyril d'Allemagne avec la pièce Secret Place Part 1 et c'est extrait de Paralyze, c'est une nouveauté. Et au début, c'était Léviathan avec la pièce Un Panserio et Sempre Libero, c'est extrait de l'album concept The Colossus of Rhodes. Alors, ceci met fin à l'émission et je vous rappelle que nous sommes en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Et vous pouvez aussi, en consultant la page Facebook de l'émission Rock de Neurones, avoir accès à l'émission en différé. Et vous allez sur la page et vous cliquez sur le lien qui vous amènera sur SoundCloud. Je vous rappelle aussi que les émissions archivées, il y en a une soixantaine, sont aussi accessibles à partir de la page Facebook de l'émission. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui espère que vous avez bien aimé l'émission. Et je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour une autre émission de Rock de Neurones.